بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. Cinquième leçon. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اليوم سنخوض إن شاء الله البيت السابع الثامن التاسع والعاشر. أربع أبيات لكن قصيرة. كذلك. كما الشيخ قال، هذه هي explication sommaire. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est juste apprendre l'essentiel. C'est une chose qui est simplifiée. D'accord, une explication simplifiée. فقال المنظم رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبيه تعالى المسبح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبيه تعالى المسبح. فليس معروف في الجامد بمعنى النفي من أخوات كان كيف نجي كن با مولود اسم فاعل دو اسم مفعول عفوا دو ولد يلد كيف نجي سي مولود على باس ان بيبي طيب المولود على باس ان بيبي ان نوفو ني كي فين ناتر. Mais ça peut être aussi pris comme un enfant. Walaysa biwalidin, et qui n'est pas non plus un père. Qui n'est pas non plus un père. Walaysa lahu shabihun ta'ala al-musabbahu. Et qui n'a aucun, rien qui lui ressemble, qui soit élevé et exempt de tout défaut. Donc, comme il l'a dit, ces vers ont été pris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Qui n'a pas enfanté, ni n'a été enfanté, et qui n'a pas d'ego. Rien que le semblable. Wa hadha kadhalik nadhir qawlihi ta'ala wa yunzir allazina qawlu ittakhadha Allahu walada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Pour ceux qui ont dit, pour avertir ceux qui disent que Allah s'est pris un enfant, ils n'ont cela aucune science ni eux ni leur père, et que c'est une immensité qui sort de leur bouche, ils ne font que dire que mensonge. Tous les versets qui sont venus pour dire qu'Allah a un enfant, comme telle est la croyance des chrétiens qui disent que Isa alayhi salam, qu'ils appellent Jésus, est le fils de Dieu. Wa ta'ala Allah amma yasifun. Et qu'Allah soit exalté et au-dessus de ce que il lui a, de comment il le décrive. Bien entendu. Naam. Fa shabih fi qawlihi wa laysa lahu shabihun. Shabih, on a dit que c'était un nadhir. Ayeb wa al-mathil. هل تعلموا له سمية النذير والمثيل معنى يعني un égal chose similaire. Et dans la parole d'Allah dans le sens où il dit lui connaissez-vous, est-ce que vous le connaissez, on va dire un homonyme. Samiyan, c'est une chose qui aurait le même nom que lui, on appelle un homonyme je crois en français quand c'est un même mot, ce n'est pas le même sens, donc c'est un homonyme si je ne me trompe pas. Donc Allah Ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et qu'il n'y a rien qui lui est semblable, il est l'audient et le clairvoyant. L'audience, c'est-à-dire celui qui entend tout, pas une simple audience comme celle de la création. Et une clairvoyance, c'est-à-dire qu'il voit tout. ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Il n'attribue pas Allah d'ego alors que vous savez. N'attribue pas Allah d'ego alors que vous savez. Comme le font par exemple les chrétiens hein, dans leur concept de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont mis les trois ensemble. Ils ont égalisé entre Allah subhanahu wa ta'ala et Jibril alayhi salam et Isa alayhi salam. Donc ça c'est du shirk, bien entendu. Ta'ala, ma ma'ala ta'ala, ay ta'azam. Souvent ils traduisent par qui sont élevés. Qui sont élevés. Souvent traduit comme ça. Voilà, les termes comme ça, c'est dur de traduire en réalité. Tu vois, tu donnes un sens approximatif, mais c'est dur. Subhanallah, Ta'ala, Azza wa Jal. Toutes ces éloges envers Allah subhanahu wa ta'ala sont durs à traduire en réalité. Et le meilleur, c'est de ne pas les traduire. D'habitude, les gens les entendent. Tu expliques le sens globalement, mais trouver une phrase particulière, tu seras restreint. La langue arabe, c'est un bah. Tu vois, c'est un bah. Et ça, c'est des termes que l'on emploie que pour Allah subhanahu wa ta'ala, à la base. Naam. Tayyib, al-musabbahu. Al-musabbahu, c'est al-munazzah. Celui qui était exempt de tout défaut, toute imperfection. At-tasbih wa tanzih. Wa tanzih, c'est le fait justement de le purifier de tout défaut. Tusabbih et tunazzih. Tasbih, c'est le tanzih. Donc ce verset comprend renie toute chose qui puisse ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien que les noms peuvent s'assembler sur la création, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent être trouvés sur la création, cela n'insinue pas qu'ils soient similaires et qu'ils aient les mêmes attributs. C'est juste ça coïncide entre les noms. Et non pas dans le sens, et encore moins entre le dénommé, sûrement pas. Naam, al-satifi abouabi, inshallah. Tayyib. De là, on voit qu'on peut avoir du shirk dans Asma wa Sifat, le fait d'attribuer à la création un attribut ou un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des noms qui sont que pour Allah. La créature ne peut pas les avoir. Et d'autres qui sont mouchtalika. Lakin haythu at-tasmiya, wa laysa min haythu al-wasf, wa min haythu al-ma'na. Comme on a dit, laysa kamithli shay, il n'y a rien qui lui semblable. Thumma qala al-munazzimu rahimahullah ta'ala, qad yunkiru hadha al-jahmiyyu 'indana بمصداق ما قلنا حديث مصرح بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح. طيب كم يفعل قد ينكر هذا الجهمي وعندنا قد أفادنا الشيخ قد لا إلى صد التحقيق نشوف كي يغاليزي قد على باز سبامي عامة الفعل لسين دي فعل سنعود كسو لأفعل. Ça a plusieurs sens. Ça peut être tahqiq ou taqrib quand c'est pour le verbe qui est au passé. Quand aflaha al-mu'minun, c'est les croyants sont réussis, ont déjà réussi. Wa qad qamati as-salat, que la salat s'est rapprochée. Au fil de taqrib. Et dans le mudari, ça vient pour d'autres sens. Et quand c'est dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours tahqiq. Quand qad employé par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tahqiq. Non. Donc yunkiru, c'est le fait de renier une chose, rejeter une chose. Hadha al-jahmiyyu wa 'indana. Bimizdaqi ma qulna hadith musarrah. C'est-à-dire que là le jahmi, c'est qui? C'est Jahm et c'est ashab. Ils ont renié hadith al-ru'ya. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les croyants yawm al-qiyamah. Yawm al-jannah. Donc le shir a dit quoi? Que Jahm, on dit cela et pourtant nous avons un hadith qui nous indique clairement que cela se fera. Et c'est le hadith de qui? Jalil ibn Abdillah, celui qu'on a appris déjà. Kulna juloosan ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laylatan fa nazara al-qamar thumma qala al-hadith. Yani kulna juloosan ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam une nuit, c'est la nuit du 14, il regardait la lune et dit vous verrez ça de votre Seigneur comme vous voyez la lune. Sans bousculade. Naam. Le hadith. Qad marra bina. Jahm, lui, renie ce hadith. Et également, Djehm a été rendu mécréant, bien entendu, pour un bon grand nombre d'égarements qu'il aura. Ce n'est pas seulement le fait qu'il nie la vision d'Allah, mais il n'y a pas d'autre chose. Ça mérite encore un dirs à part. Et également, il renie les sifats. Sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Djehmiya ma'aloufoun. Djehmiya, et ceux qui renient les sifats, il est asma. D'accord ? Ça, en fait, c'est comme s'ils adoraient le néant. C'est ça que les ulama disent. Ils lui ont enlevé tout attribut, tout nom, donc ils adorent un néant. Ce qu'ils adorent, c'est le néant. Non. Donc, dans ce qui est des ta'til, le fait d'annuler ce qui touche au nom et au attribut, il y a trois groupes principaux. Comme tu as dû le savoir, tu as le Jahmiya, qui sont les Adba', les suiveurs de Jahm ibn Safwan, qui est lui qui a pris de Jahm d'Irham, et ainsi de suite. Après l'assassinat qui revient jusqu'à l'Abiz, l'Assam, le juif qui a jeté un sort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la base, c'est Jahm qui a été vraiment connu pour avoir propagé cette fikra. D'accord ? Cette fikra. Donc la secte lui a été apparentée. Jahmiya, eux, ils renient nom et attribut. Après, tu as Al-Mu'tazila. Ce sont les suiveurs de Wasil ibn Atta Al-Azzal. C'est lui qui était parmi les élèves de Al-Hassan al-Basri et qui s'est mis à part. Son histoire, c'est une histoire, il s'est mis à part et il a fait son groupe, l'Irtizal, qui ont plein d'autres égarements, comme par exemple Al-Manzila ibn Manzilatayn, que celui qui fait un grand péché, hein, n'est ni un mécréant ni un croyant. Il y a ni qu'il est entre les deux, voie intermédiaire. Et d'autres choses qu'ils ont. Tayyib. Et eux, ils ont renié les sifats et accepté les noms, mais pas sous leur réalité. Attention, pas sous leur réalité. Ce sont des termes pour eux, des mots. Par exemple, Al-Sami bila Sama, Al-Basir bila Basar. Ils ont commencé à philosopher, comme on dit. Troisième, c'est l'Asha'ira, comme on le dit, la sable de Ali Abil Hassan Ash'ari, qui lui est un descendant de la tribu de Abu Moussa Al-Ash'ari, c'est un yéménite d'origine. Et lui, c'est quoi? Lui, il a voulu se rapprocher un peu plus de Al-Sunnati wa Jama'a, mais il ne les a pas atteints. C'est qu'ils reconnaissent les noms et certaines sifats, cependant, ils les interprètent. Les sifats qu'ils reconnaissent sont interprétés. Et d'ailleurs, c'est l'une des bid'as qui étaient, pour lesquelles ont été connus comme Al-Nawawi, wa Shawkani, wa Al-Hafiz ibn Hajar, ces gens-là, qui malheureusement ont été contaminés par cette idéologie qui est d'interpréter les sifats, les attributs. Naam. Donc, tout ce qui touche au ta'til, fil asma wa sifat, ça tourne autour de ces trois sectes. Ce sont les branches, les fondements, on va dire, les fondements principaux. Et tu peux trouver des sectes qui renient des usuls de celle-ci. Il y a d'autres choses. Donc chacun des particularités, mais les principaux faits qui leur sont reprochés sont ceux-là. Quand on parle d'eux dans les asma wa sifat, c'est ça qu'on veut leur attribuer. Quand on dit par exemple Ada Ashari Ash'ari fil Aqida, c'est-à-dire qu'il interprète les sifat. Il va les reconnaître, mais il va les interpréter. Naam. Donc ça c'était Ad al-Bayt al-Thamin, 8e vers. Tayyib. Thumma qal, 9e vers. Rawahu Jarir an maqali Muhammadin. Faqul misl ma qad qala fi dhalika tanjahu. Rawahu Jarir an maqali Muhammadin. Faqul misl ma qad qala fi dhalika tanjahu. Là, il dit que justement, il répète que cela nous a été rapporté par Jarir, le hadith, de ce qu'il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maqal. Maqal, c'est une parole. Faqul misl ma qad qala fi dhalika tanjahu. Donc, dit comme ce qui a déjà été dit en cela, c'est-à-dire dans la ru'ya, tu réussiras. Tanjahu. Najaha, yanjahu, c'est la réussite. Il y a un issue les salafs. Comme a dit Allah Ta'ala, « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا » Que si ils croient en ce que vous avez, en ce que vous avez cru, alors ils seront guidés. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses suiveurs. Donc il faut qu'on croit comme eux. Donc là, on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, clair, rapporté par un sahabi. Et le hadith, il est authentique. Donc il n'y a pas lieu d'aller interpréter et de renier cela. فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الضَّلَالِ. Donc ces vers là, qui sont le 6e, 7e, 8e et 9e, tournent autour de cela. Du même point. Le 10e qui est وَقَدْ يُنْكِلُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكِلْتَ يَدَيْهِ بِالْفَوَائِدِ تَنْفَحُ وَقَدْ يُنْكِلُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكِلْتَ يَدَيْهِ بِالْفَوَائِدِ تَنْفَحُ. Et il avait donné un autre mot en riwaya, mais je ne l'ai pas noté. Tundahu. Tundahu. Je ne l'ai pas noté. Tayyib. Donc là, qad, encore, qad yunkiru al-jahmiyu aydan yaminahu. Qad, là c'est encore tahqiq. Yunkiru, qui renie. Jahmi, c'est jahm, et c'est, ou le jahmi, c'est lui qui est sur son mazhab. Aydan également. Yaminahu. Yamin, la droite d'Allah, c'est-à-dire sa main. Yamina, et yamin Allah. Là, il va parler justement de la sifat, la tribu qui est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce vers vient pour affirmer la tribu d'Allah subhanahu wa ta'ala de la main, même des deux mains. Telle est la croyance des gens de la sunna, sans aucun doute. Et les preuves sont très nombreuses. À titre d'exemple, قَوْلُهُ تَعَالَى بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Que ses deux mains sont largement ouvertes, étendues. Bel yadahu, ses deux mains. Mufanna. Wa qala ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Parce qu'il parle à qui? À Iblis. Il a dit, dans le sens, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner, c'est-à-dire d'allégeance et de respect, salutation, et pour obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce que j'ai créé de mes deux mains. Yadayya, de mes deux mains. Wa qala ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabaraka celui qui a la royauté entre ses mains, ou dans sa main, et qui est capable de toute chose. Il est omnipotent, comme ils disent. Donc la main a été affirmée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres adillah, là c'est comme on l'a dit, c'est juste. C'est une mouraja entre nous et une explication simplifiée. Il y a plein d'adillahs qui sont venus, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jurait souvent Wallahi nafsi biyadi, celui qui détient mon âme dans sa main. Donc on affirme sans tamthil. Tamthil, c'est le fait d'essayer de représenter la chose, de trouver une similitude parmi la création. D'accord ? Tamthil, yarji ala hada. Par exemple, un moumafil, c'est un acteur, un comédien qui reproduit quelque chose. Tamthiliyat, c'est des comédies, des sketchs, ça peut être un film, ce genre de choses. Naam. Taïb. Là, il y a un ishkel que certains ont voulu poser, qui est que dans le Coran, lafz al-yad, le terme yad est venu en mufrad, yani en sanglier, en tasniya, en duel, et en jam, en pluriel. On dit comment cela? D'accord? Donc en ce qui concerne le mufrad et le mufanna, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun ishkel là-dedans. Car si tu dis que tu as deux mains, des fois tu peux en citer une seule. Mayamna. D'accord? Mayamna. Il n'y a aucun empêchement à ce que quelqu'un, par exemple même toi en tant que créature, que tu aies deux mains, que tu parles d'une seule. Il n'y a rien en cela. Là où les gens ont vu le problème, c'est avec le jam, le pluriel. Comment on dit il a deux mains, et après on entend un pluriel. Il faut savoir une chose, que déjà le pluriel en arabe peut s'employer sur un musanna, sur un duel. Comme quand le Ta'ala, in tatouba ila Allah, faqad darat kulubukuma. Donc là, c'est le verset que le cheikh a cité en exemple. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'exprime, il parle à qui là? À Hafsa. Et à Aïcha. Il dit, qu'elles doivent se repentir, si elles se repentent à Allah, car certes leur cœur ont fléchi. Quand elle est, faqad darat kouloubukuma. La kouloub, kouloub, il est venu en pluriel, et le damir est venu en duel. C'est-à-dire à vous deux. Est-ce que pourtant l'homme a plusieurs cœurs? Un seul. Taïeb. Donc là, c'est une preuve du Coran que tu peux employer le duel, ou plutôt employer le pluriel pour un duel. Donc on ne peut pas polémiquer. Là, on a un verset clair. Et également, le pluriel peut être employé pour le duel, dans notre exemple, qu'a fait Qawli Ta'ala, ou in ta'ifatan min al-mu'minina qtatalu, faslihu baynahuma. La Qawli fa in ta'ifatan, c'est deux groupes. Taïeb min al-mu'minina. Si deux groupes de croyants s'entretuent, là, iqtatalu, il n'a pas dit iqtatalata. Quand iqtatalu, avec le waouh, et même ta'ifa, on peut l'employer pour une personne. Ta'ifa, c'est une personne qui a la, c'est un groupe, ça peut être une personne qui représente. Donc là, on regarde, ta'ifa ta'ani, deux groupes des croyants s'entretuent, se combattent. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, justement le verset où il cite la main en pluriel, kafi qawlihi ta'ala, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ne voit-il pas de ce que nous leur avons créé, de ce que nos mains ont ouvré, comme bestiaux, qu'ils possèdent? Donc là, le fait de venir avec le jam, c'est tout simplement ta'ziman lillah. D'accord? Allah se sublimise, comme on dirait, se glorifie lui-même en parlant au pluriel. Et cela est une chose qui est connue même chez les créatures. Lorsque les rois, même les ulama, ils parlent, ils disent « Nahnu fa'alna, kulna, nara ». Parle au pluriel. D'accord ? Donc là, il n'y a aucun ishkel par rapport à ça. Il n'y a aucun ishkel par rapport à ça. Donc eux, ils ont voulu quoi ? Les mu'attila, ils ont voulu interpréter le terme « ma » par « ni'ma ». Bien fait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas possible. Car justement, comment le mot ni'ma, comment le mot main est venu au singulier, est venu au mesalène, au duel, et au pluriel, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Que si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Donc comment tu vas employer le mot ni'ma? Alors des fois il est venu en deux, ou des fois venu en un. Et les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Donc ce n'est pas possible. Et également parmi ceux quoi tu peux répliquer à ces gens-là, justement le verset qu'on a cité au début. Lorsqu'il dit justement à Iblis, « Ma mana'aka antazjuda lima khalaqtu biyadayya » Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? Eux, ils ont interprété, des fois ils veulent interpréter le mot main également par Koudra. Donc là, quel argument Iblis aurait pu lui dire, « Moi aussi tu n'as créé pas ta Koudra ». Maintenant, quel avantage, privilège Adam aurait sur Iblis? Si c'était pour le sens Koudra. Non, qu'Adam a été créé justement pour son choix, c'est qu'il a été créé par les mains d'Allah. Et voilà. Donc si jamais c'était le sens Koudra, la main, Iblis, il aurait pas eu de, il aurait pu dire, mais moi aussi, tu m'as créé. Il n'y aura pas de phare entre eux. Pourtant, c'est une chose que même Iblis l'a reconnue, et il ne veut pas reconnaître. Tu vois, pour dire, Iblis lui-même là-dessus, peut-être qu'il a plus de science. Ou plus de femme. Sur les choses comme ça. En fait, c'est quand les gens veulent, on va dire, ne veulent pas accepter, ben, ils sont des rajaïb. C'est ça qui se passe. Naam. Au cas d'Alika, بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. Ses deux mains sont grandement ouvertes. Comment ça peut être Koudra, capacité ou ni'ma? C'est pas possible. Mais yastaqim. Al-ma'na mais yastaqim. Le sens n'est pas droit. Par les hadiths, il y en a eu plein qui sont venus pour parler justement de la main. Celui de Abu Huraira, radiallahu anhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال iltaqa Adam wa Musa, faqala Musa يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي من روحي وأسجدك ملائكته خبيتنا وخرجتنا من الجنة فقال آدم أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته الحديث فتوس الحديث الشاهد الحديث الحديث متفق عليه. Que Adam et Moussa se sont rencontrés. que Moussa alayhi salam a dit à Adam, tu es notre père, que Allah t'a créé de sa main, et qu'il a insufflé en toi de son souffle, et qu'il t'a fait se prosterner pour toi ses anges, et que tu nous as fait sortir du Jannah. Là, Adam lui répond en disant, toi tu es Moussa alayhi salam, d'accord, que Allah t'a parlé de vive voix, kallamakallahu taklima, et qu'il a écrit pour toi la Torah de sa main. D'accord ? Que Allah a écrit la Torah de sa main. Là, c'est deux prophètes qui sont en train de se parler. On va venir, on va interpréter leurs paroles. Ils ne savent pas c'est quoi une main. Tu vois ? Donc, ceux qui font du ta'wil, c'est une porte d'égarement qui est énorme. Naam. Taïb, là, un ishkel qui a été fait, que le cheikh il a évoqué, c'est justement, comme dans le vers, quand il dit « وَكِلْتَ يَدَيْ بِالْفَوَادِ الْتَنْفَحُ » que ces deux mains donnent avec largesse, distribuent avec largesse du bien. « فَوَادِ » c'est le diam de « فَوَادِ » ou « فَضْل » et « تَنْفَحُ » et « عَنِبْ مَنَا الْعَطَى » donne. Voyez, « donne » c'est de donner avec largesse. Donc là, on a une chose qui apparaît comme étant un tanakud, une contradiction. C'est qu'on a le hadith de Abdullah ibn Amr. « Anam Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal « Inna al-muqsitina inda Allahi ala manabir min nourin an yamin al-Rahman azza wa jal wa kilta yaday yamin al-lazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu » Et le hadith, un muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes, les gens qui sont équitables seront auprès d'Allah sur des minbars, des chairs de lumière, à la droite du Rahman, Azza wa Jal. Et que ses deux mains sont droites. Ses deux mains sont droites. Ouais, la droite. C'est-à-dire ceux qui ont été justes dans leur jugement, dans leur famille, et ceux qui sont sous leur charge. Et dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit comment Allah subhanahu wa ta'ala va détruire la création. Il dit قال ثم يتوي الأراضين بشماله, qu'il va plier les terres de sa gauche. Là, le terme gauche, il est venu. Donc comment on dit kilta yadei? Parce que kilta, c'est un taukid pour dire deux choses. C'est le féminin de kila. Kila et Huma, c'est tout, c'est eux deux. D'accord ? Et Kilta, ce serait elle deux au féminin. Taïeb. Donc on dit comment ? Il a deux mains droites, et là, dans ce hadith, stipulé une main gauche. Des relèves, on sait de faire de joindre entre les deux. J'ai pas tout lu. Et la parole la plus authentique, c'est que tout simplement, cette riwaya, cette ziyada, elle est shaz. Elle est marginale. Matafbut. Elle n'est pas authentique. D'accord ? Et elle a été rapportée par qui ? Hamza ibn Omar. Donc cette version-là, parce que les deux sont dans muslim, donc cette version-là, elle, n'est pas authentique. Donc le sahih, ce qui est vrai, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, les deux sont des mains droites. Donc là, c'est une qaïda à apprendre chez les gens de la sunna, qui est qu'ils prennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Wa yathbituna lillahi ma athbata li nafsi ithbatan. Taïeb, bila tamthil, qu'ils affirment d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, sans chercher à trouver une similitude, à représenter. Tanzihan bila ta'til, et qu'il le rende exempt de tout défaut, de toute imperfection, sans pour autant lui supprimer ce qu'il a dit de lui-même. Donc ça, c'est des choses qu'on évite. Pas de takif chez nous, c'est de faire savoir un comment. Pas de ta'til, c'est le fait d'annuler une chose. Pas de tajbih, le fait de faire ressembler. Pas de tamthil, le fait de représenter. Et pas de tahrif, le fait d'interpréter. Tout ça, il n'y a pas chez les gens de la sunna. Tu vas trouver chez qui? C'est les gens de la bida. Et le tout revient à une secte ou à un terme global, c'est ta'til. Celui qui a fait tamsil, il a fait un ta'atil. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il en fait, il a sorti la chose de sa réalité. Un peu ou beaucoup, il l'a fait. Demain, c'est ta'atil, c'est direct. Il n'y a pas de main. Tout simplement. Il n'y a pas de main. Il y en a qui vont dire, si, la main, ça veut dire ça ou ça ou ça. Tous, ils ont annulé d'Allah, ce pantalon, ils l'ont supprimé, ça là. Nous, la main, maintenant, on sait qu'Allah, ce pantalon, il a une main. On sait c'est quoi une main. Mais la main dans ce pantalon, on ne sait pas, on ne cherche pas à savoir comment elle est. Laisse la kamis li shay. On ne se la représente pas. Et on l'affirme qu'il en a deux mains droites. D'accord? Et c'est là-dessus que marchent les gens de la sunna. Et en réalité, les gens qui font le tartil, qui disent que vous êtes des mujassima, anthropomorphistes. D'accord? On dit non. Nous, on prend les textes comme ils sont venus. Par contre, vous qui annulez ces attributs, comment tu arrives à annuler? C'est dans ta tête, tu te l'imaginais. Et tu dis, c'est pas possible qu'il ait ça, donc tu l'as annulé. Donc c'est toi, Mujassim, tu es le haqiqa. Nous, on ne cherche pas à savoir c'est comment. Comme des ulama disent, il enseigne, il dit, regarde, nous-mêmes, la création. Tu vas dire à ces gens-là, tu as une âme en toi. Il va te dire, oui, j'ai une âme en moi. Comment elle est? On ne peut pas te la dire. Donc que dire du créateur? Une chose qui est en toi, création, tu ne peux pas la décrire. Et tu sais qu'elle est là pourtant, elle existe, elle est en toi. Comment elle est? Tu ne peux pas l'imaginer. Donc, arrête-toi là. Adal Marana. En ce qui concerne Allah Spantala, il a dit des choses, toi tu dois croire. C'est tout. Et nous, on ne cherche pas à savoir comment c'est comme ça. Le sens, on le connaît, mais le comment, on ne cherche pas à savoir le comment. On ne s'imagine pas, on ne le façonne pas. Oh, allez, comme ça, attends. D'accord? On ne fait pas ressembler, tout comme également, on l'affirme. Avaou min aqidat el sunnati wal jamaa. Taïeb, hada. À force, c'est un peu long, parce qu'on avait un verset de retard. Voilà. Fais la ouna, walhamdulillah, rabbil alamin.